بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. On va voir dans le cours d'aujourd'hui le mérite du siyam fi sabilillah dans le sentier d'Allah, également le mérite du siyam du mois de Sha'ban et aussi le mérite de jeûner trois jours par mois et également le fait pour la femme de jeûner des jours supplémentaires en présence de son mari. On va lire le hadith numéro 28. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا متفق عليه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit aucun serviteur n'accomplit un jour de siyam في سبيل الله dans le sentier d'Allah sans que par ce jour Allah n'éloigne son visage du feu de 70 années. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Celui qui jeûne un jour fi sabilillah dans le sentier d'Allah, on va expliquer ce que signifie fi sabilillah. Eh bien Allah l'éloigne du feu et de son châtiment d'une distance de 70 années. La première question qu'on va voir est justement quel est le sens de fi sabilillah dans le hadith, dans le sentier d'Allah. Que signifie fi sabilillah? Certains savants ont dit que le murad bihi as-sawm fil jihad. Certains savants ont dit qu'il s'agissait de celui qui jeûne pendant qu'il accomplit le jihad, pendant qu'il affronte les ennemis, pendant qu'il combat les ennemis. C'est l'avis d'Ibn al-Jawzi, d'Ibn Daqiq al-Aid, de l'imam al-Nawawi et de Sana'ani. Ils ont précisé que cela était à condition que le siyam n'affaiblisse pas la personne, ne lui cause pas de préjudice. Si le siyam affaiblit la personne et la fatigue, eh bien dans ce cas-là, il lui est préférable de ne pas jeûner. Et le deuxième avis est que le sens de fi sabilillah est fi ta'atillah. Fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, signifie dans l'obéissance à Allah. C'est quelque chose de plus général. Qala al-Hafidh ibn Hajar. الحديث أعم من ذلك فيشمل القولين. الحافظ ابن حجر a dit que le hadith avait une portée générale, donc il englobe les deux avis. Il englobe aussi bien le siyam accompli pendant le jihad, pendant que les gens combattent leurs ennemis, que le siyam fi ta'atillah, l'obéissance accomplie dans l'obéissance à Allah qui peut se faire hors jihad. Et c'est l'avis le plus juste. Donc ce hadith-là est de portée générale. Il englobe aussi bien les deux avis. Et ce qui appuie ce sens-là est un hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « As-siyam junnatun min an-nar ». Siyam junna, c'est-à-dire le siyam est une protection contre le feu. Ce hadith-là est authentifié par Al-Shir Muqbal, fil Jami' al-Sahih. Donc voilà pour ce hadith. On continue avec le hadith numéro 29. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. عائشة رضي الله عنها rapporte le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم jeûnait si souvent que nous pensions qu'il ne rompait pas le siyam. ويفطر حتى نقول لا يصوم. Et il rompait le siyam. يفطر c'est le contraire de يصوم. يفطر c'est lorsque la personne ne jeûne pas. Donc, il rompait le siyam si longtemps que nous pensions qu'il ne jeûnait pas. Wa qalat wa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyam shahrin qat illa Ramadan. Et elle a ajouté qu'elle n'avait jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet hormis le mois de Ramadan. وَمَا رَأَيْتُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. Et elle a ajouté, et je ne l'ai pas vu jeûner plus souvent qu'au cours du mois de Sha'ban. Ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Le premier point qu'on va citer concerne un siyam fi Sha'ban, le siyam accompli pendant le mois de Sha'ban. Le hadith de Aïcha, radiallahu anha, qu'on vient de lire, indique qu'il est recommandé de beaucoup jeûner pendant le mois de Sha'ban. Les savants ont expliqué que c'était ta'ziman li Ramadan, que c'était par considération envers le mois de Ramadan qui approchait. Et également, ils ont cité que c'était pour s'habituer et se préparer pour le siyam de Ramadan. Car le mois de Sha'ban est le mois qui précède le mois de Ramadan. Donc, ils ont dit que c'était comparable à ratiba, Les ratiba désignent les salats surérogatoires qui s'effectuent avant ou après les salats obligatoires. Donc, ce siyam qui n'est pas obligatoire du mois de Sha'ban précède un siyam qui est obligatoire, qui est celui de Ramadan. Donc, c'est pour s'habituer et se préparer pour ce siyam qui est obligatoire. Et certains savants ont expliqué que c'était pour ne pas négliger de jeûner pendant ce mois-là qui tombe entre deux mois très importants qui sont Rajab et Ramadan. Donc, c'est pour ne pas négliger le siyam accompli pendant ce mois-là. L'imam al-San'ani a dit « وَيُحْتَمَلْ أَنْ يَسُومَهُ لِهَذِهِ الْحِكَمْ قُلِّهَا » L'imam al-San'ani a dit que toutes les raisons qu'on vient d'évoquer étaient valables. Toutes les raisons qu'on a citées indiquant la recommandation de jeûner le mois de Sha'ban était valable, était possible. Le deuxième point concerne siyam pendant le mois de Muharram. Sachez qu'il est aussi recommandé de jeûner pendant le mois de Muharram, qui est le premier mois du calendrier de l'Hégire. Car il y a un hadith parvenu dans le Sahih Muslim, où le prophète Ali salatu wasalam, a dit « Afdal siyam ba'da Ramadan, shahrullah al-Muharram » Il a dit que le meilleur siyam après celui du mois de Ramadan était celui accompli pendant le mois de Muharram. Wa afdal salat ba'd al-farida salat al-layl. Il a aussi dit que la meilleure des salats après celle obligatoire était la salat accomplie pendant la nuit. Ce hadith indique clairement le mérite du siyam accompli pendant le mois de Muharram. Et certains savants se sont posé la question, pourquoi le prophète alayhi salatu wasalam, jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban et non pas pendant le mois de Muharram, alors qu'il a indiqué son mérite. L'imam Nawawi a répondu en disant qu'il se peut que ce hadith-là n'ait été révélé au prophète alayhi salatu wasalam, que vers la fin de sa vie. Ce qui explique pourquoi il jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban et non pas pendant le mois de Muharram. Car ce hadith-là n'a été révélé au prophète que tardivement, que vers la fin de sa vie. Et Nawawi a aussi expliqué qu'il y avait d'autres raisons qui ont dû empêcher le prophète Ali salatu wasalam, de jeûner beaucoup pendant ce mois-là. Il se peut qu'il était occupé, ou qu'il était malade, ou qu'il était en voyage. Donc dans tous les cas, il n'y a aucun problème, car ce hadith indique clairement le mérite de ce siyam-là. On passe au hadith numéro 30. « An Abi Dhar radiallahu anhu qala » أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة. حديث rapporté par النسائي. أبو ذر rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a ordonné de jeûner trois jours dans le mois, le 13e, le 14e et le 15e jour. Ce hadith rapporté par النسائي est authentique. Ce hadith indique clairement qu'il est recommandé de jeûner trois jours de chaque mois lunaire. Et la récompense de ces trois jours équivaut à la récompense d'une année complète, comme on l'a déjà cité auparavant. Al-hasana bi'ashri amthaliya. Chaque hasanat est multiplié par 10 et décuplé par 10. Donc celui qui jeûne trois jours par mois a la récompense de celui qui jeûne 30 jours, donc le mois complet. Et celui qui jeûne trois jours par mois toute l'année a la récompense de celui qui a jeûné toute l'année. Et sachez qu'on obtient ce mérite et cette récompense quels que soient les jours qui ont été jeûnés. Que l'on jeûne au début du mois, au milieu du mois ou à la fin du mois, eh bien, on obtient ce mérite-là, cette récompense-là. En effet, il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim où Aïcha, radiallahu anha, rapporte كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. Elle rapporte que le prophète عليه الصلاة والسلام jeûnait trois jours chaque mois. لا يبالي من أي أيام الشهر صام. Sans se soucier quels étaient les jours, que ce soit les jours du début du mois ou du milieu du mois ou à la fin du mois. Mais sachez également qu'il est préférable de jeûner les trois jours du milieu du mois, comme l'a dit الشيخ محمد بن حزام قال الأفضل والأولى أن تكون في أيام البيض أيام البيض signifie les jours de pleine lune qui correspondent au 13e, 14e et 15e jour comme l'a cité le prophète عليه الصلاة والسلام dans le hadith. Donc il est préférable de jeûner ces trois jours-là, le 13e, le 14e et le 15e jour du mois, qui correspondent au jour de pleine lune. C'est pour ça qu'on appelle cela Ayyam al-Bid. Bid vient de Abyad, qui signifie blanc, la blancheur. Donc c'est dû à la blancheur, à la clarté de la lune. Et comme on l'a déjà dit, lorsqu'on dit qu'une chose est recommandée, c'est-à-dire qu'il est recommandé de la faire, de l'accomplir, et non pas de la délaisser. Donc c'est à chacun d'entre nous de profiter de ces occasions-là. Allah Azza wa Jal, en jeûnant trois jours par mois, nous donne la récompense de celui qui a jeûné toute l'année, subhanallah. Donc c'est un grand mérite, c'est un énorme mérite, et c'est à nous d'en profiter, à nous de faire des efforts pour avoir cette récompense-là. On va citer maintenant certains points supplémentaires relatifs au hadith qu'on a lu auparavant. Le premier point concerne siyam yom wa iftar yom, le fait de jeûner un jour et de rompre le siyam un jour. Tous les savants s'accordent à dire qu'il est recommandé de jeûner un jour et de rompre le siyam un jour. Car il y a un hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim où le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Ahabbu siyam ilallah siyam Daoud ». Il a dit que le siyam le plus aimé d'Allah était le siyam de Daoud, de David. « Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman ». Il jeûnait un jour et rompait le siyam un jour. « Wa fi riwaya la siyam afdal min siyam Daoud ». Dans une autre version, il n'y a aucun siyam meilleur que celui de Daoud. Donc ce hadith indique clairement qu'il est recommandé de jeûner un jour et de rompre le siyam un jour. Et il indique aussi que c'est le meilleur des siyam, c'est le siyam de Daoud. Le deuxième point, très brièvement, concerne la recommandation de jeûner 9 jours du mois de Dhul-Hijjah. Sachez qu'il est aussi recommandé de jeûner les 9 jours du mois de Dhul-Hijjah, mais pas Yom al-Eid. Yom al-Eid, par contre, le jour du Eid, il est interdit de jeûner ce jour-là. On continue avec le hadith numéro 31. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه rapporte que le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام a dit il n'est permis à la femme de jeûner lorsque son époux est présent qu'avec sa permission. Ce hadith est rapporté par البخاري et مسلم. زاد أبو داود غير رمضان Abu Dawud a ajouté en dehors du mois de Ramadan. D'après ce hadith, si la femme souhaite jeûner alors que son époux est présent, eh bien, elle a besoin de son consentement, elle a besoin de sa permission. Et comme l'a cité Abu Dawud, en dehors du mois de Ramadan, c'est-à-dire que pour un siyam obligatoire, eh bien, elle n'a pas besoin de son autorisation. Pour jeûner le siyam du mois de Ramadan, elle n'a pas besoin de son consentement, car c'est un siyam obligatoire. Mais pour des jours surérogatoires, eh bien dans ce cas-là, il lui faut sa permission. Le premier point qu'on va évoquer, qu'on va citer, est le jeûne surérogatoire de la femme. قال الشيخ محمد بن حزم ذهب الجمهور إلى تحريم الصوم عليا بغير إذن زوجها غير الفريضة. La majorité des savants est d'avis que la femme n'a pas à jeûner des jours surérogatoires sans la permission de son mari, sans le consentement de son mari. Et attention, ici on est en train de parler de jours surérogatoires, non pas de siyam obligatoire. En ce qui concerne le mois de Ramadan, eh bien, elle n'a pas besoin de la permission de son mari. Et sachez que l'époux n'a pas à chaque fois à formuler la permission. Si la femme sait qu'elle a le droit dans telle situation de jeûner, eh bien dans ce cas-là, c'est suffisant. Car la permission est sous-entendue. Et l'imam al-Nawawi a dit que certains ont dit que cela était déconseillé. Mais l'avis le plus juste est que la femme n'a pas le droit de jeûner sans la permission de son mari. La deuxième question est « فَإِذَا صَامَتْ هَلْ يَصِحْ صَوْمُهَا ?» Si la femme accomplit un siyam surérogatoire, c'est-à-dire des jours supplémentaires, sans la permission de son mari. Est-ce que son siyam est valable ou pas? L'imam Nawawi a répondu en disant « فَإِنْ صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا صَحَّ بِاتِّفَاقَ أَصْحَابِنَا وَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ حَرَامًا » Il a dit que le siyam de la femme était valable même si elle n'avait pas à jeûner ce jour-là sans la permission de son mari. Donc son siyam est valable. Et enfin, la troisième et dernière question est elle yajouz laha an tasoum idha kana musafiran. Si le mari est absent, est-il permis à la femme de jeûner un siyam surérogatoire sans sa permission? Al-Hafid ibn Hajar a dit: لو كان مسافرا فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع لها اذا كان زوجها مسافرا. Ibn Hajar a expliqué que le prophète alayhi salatu wasalam a dit dans le hadith qu'il n'était permis à la femme de jeûner lorsque son époux est présent qu'avec sa permission. Eh bien, ce hadith-là sous-entend que si l'époux est absent, s'il est par exemple en voyage, eh bien, il est permis à la femme de jeûner sans la permission du mari. Donc voilà le sous-entendu du hadith. Et qu'il est permis, si le mari n'est pas là, à la femme, de jeûner un siyam surérogatoire sans le consentement du mari. Et Cheikh Mohamed Ibn Hizam a ajouté qu'il était permis à la femme de jeûner sans le consentement de son mari, également d'autres jours qui sont obligatoires. Par exemple, si la femme a raté des jours de siyam de Ramadan et qu'elle les rattrape et qu'il ne lui reste que très peu de temps pour les rattraper avant l'arrivée du mois prochain, eh bien dans ce cas-là, elle pouvait jeûner sans la permission de son mari. Et également, si elle a fait le serment, le vœu de jeûner certains jours, dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de la permission de son mari. Voilà pour ce cours. On a vu le mérite du siyam fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, également le mérite du siyam du mois de Sha'ban, le mérite de jeûner trois jours par mois, et enfin, le siyam surérogatoire de la femme en présence de son mari. Wa ilayna walhamdulillahi rabbil alamin.